comme un jour de l'an tu arrives. Je t'ai attendu tant d'années. Dans mon silence, tu arrives. Il ne faut pas faire attention si le ménage n'est pas fait. Et ne reste pas dans l'entrée. Dépose ton châle et ton cœur. Entre dans ma vie, n'aie pas peur. Tu arrives, tu m'inspires, tu m'étonnes, tu me touches. Tu me plais beaucoup, tu me plais, c'est fou. Tu m'inspires beaucoup, tu m'attires, tu arrives. C'est peut-être pour la semaine ou pour toute une éternité. Ça revient tout à fait au même. Comme une porcelaine fine ou le paradis retrouvé. L'air de la ville de Nice, comme un premier jour, tu arrives. Et voilà, je commence à vivre. Tu arrives, tu m'inspires, tu m'étonnes, tu me touches. Tu me plais beaucoup, tu me plais, c'est fou. Tu m'inspires beaucoup.